Merci au collectif Rennais pour les animaux aussi d'avoir organisé ces deux conférences et de m'avoir invité. Moi, j'ai choisi de parler d'antispécisme, bon, on dit aussi par là, d'antispécisme, mais j'ai pensé que dans les circonstances actuelles, il était important de revenir un petit peu aux fondamentaux de ce que c'est l'antispécisme, et de parler de ce que j'ai appelé l'antispécisme nu, enfin le spécisme nu, le spécisme sui generis, c'est un terme que j'ai trouvé dans un texte américain qui dit ça, ou le spécisme absolu, enfin, ce que j'appelle comme ça, c'est le spécisme réduit à son expression logique la plus simple. Ah bon, pour les personnes qui sont pas un peu au courant, une petite présentation quand même de la situation et de ce que c'est le spécisme, l'antispécisme. Bon, en ce moment, on parle pas mal de la question animale, je dirais, en France. Enfin, on se met à avoir des articles assez fréquents sur le sujet, y compris dans les grands médias, sur des questions de bien-être animal, comme on en parle, de taille de cage de poule, par exemple. Récemment, la France a été dans l'obligation d'élargir les cages pour les poules, de remise en cause de la consommation de la viande aussi, qui est une question ambiguë dans un sens, puisque c'est souvent sous d'autres angles que la question animale qu'on parle de la remise en cause de la consommation de la viande. On parle de ça aussi pour des questions écologiques, aussi pour des questions de santé, souvent. C'est aussi une question à double tranchant, dans le sens que pour les questions écologiques, les gens non seulement mangent moins de viande, mais réorientent leur consommation vers la viande de poulet, ce qui implique en fait un accroissement du nombre d'animaux qui souffrent dans les élevages et qui sont abattus, aussi vers la consommation des poissons, ce qui a un petit peu le même effet. Mais bon, en tout cas, la question des animaux et de leur sort et de leur statut moral, éthique, politique est quand même présente dans les débats en France. Aussi au niveau philosophique, la question animale est au programme de l'agrégation de philosophie, je crois, cette année. Oui. C'est cette année, oui. Donc, les gens commencent à se dire que c'est une question qui a des implications, enfin qui est une question sérieuse et qu'il faut débattre aussi à un niveau sérieux. En fait, dans d'autres pays, en particulier dans les pays anglo-saxons, les débats, y compris au niveau philosophique sur le statut des animaux, existent depuis au moins des années, depuis disons 1975 avec la sortie du livre de Peter Singer, La libération animale. Bon, j'ai amené un exemplaire, il a été traduit en 92, je crois, en français. Donc j'ai amené un exemplaire pour consultation. Donc ça a été un petit peu le début de la prise au sérieux dans les milieux philosophiques de la question animale. En fait, je pense que que la question animale, du statut des animaux, c'est quelque chose qui a traversé la philosophie. Ça n'a pas attendu Peter Singer pour être... en arrière-plan de la philosophie, parce que je pense que la philosophie, depuis au moins deux millénaires, est en grande partie une tentative pour justifier que les humains sont autre chose que les animaux, et donc la question de la différence entre les animaux et les humains est une question quand même très très ancienne, mais je dirais n'a jamais été discuté de façon très sérieuse avec les personnes qui remettaient en cause cette volonté de, disons qu'il y avait des remises en cause mais qui étaient extrêmement minoritaires dans la philosophie. Et ça a changé depuis 1975 et en particulier avec le livre de Peter Singer dont le premier chapitre s'appelle « Tous les animaux sont égaux », animaux étant le terme incluant les êtres humains, et a introduit la notion de spécisme comme étant la discrimination contre les êtres non humains, les animaux non humains, les êtres sentients, c'est-à-dire qui ressentent les choses, en général les animaux, non humains au profit des humains, discrimination tout aussi injustifiée, et suivant en grande partie le même modèle que le racisme et le sexisme, par exemple. Voilà, ça c'était l'introduction du terme spécisme, et donc du terme antispécisme qui est la volonté de lutter contre cette discrimination arbitraire et injuste, et les antispécistes sont les personnes qui veulent lutter contre cette discrimination, et donc qui sont partisanes de l'égalité animale. Alors on va voir un petit peu dans quel sens. Alors aujourd'hui donc, pour revenir à la situation française aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette question de spécisme dans son acception la plus basique, c'est que, donc on parle beaucoup de la question animale en France, je l'ai dit, on parle de prise en compte des animaux, donc de bien-être des poules, c'est pour moi une amélioration, c'est une très bonne chose que les personnes commencent à prendre en compte, considérer que les animaux doivent être pris en compte, que ce n'est pas une chose complètement anodine et neutre de les faire souffrir, de les manger, de les tuer pour les manger. Il y a un débat un petit peu parasite qui s'est rajouté là-dessus, qui est le débat par rapport au halal et au cachet, dont je dirais que c'est un débat parfaitement légitime, sauf qu'il est clairement exploité par des personnes qui n'en ont rien à faire du bien des animaux, non humains, ni humains d'ailleurs, en grande partie, et que c'est ce débat-là qui est le plus repris aujourd'hui. Mais en tout cas, par la bande, ce débat-là aussi, mais sur le tapis, la question de la souffrance des animaux, de la manière dont ils sont traités. Et dans tout ça, apparaît une chose, c'est que les gens estiment aujourd'hui que les animaux doivent être pris en compte, qu'il faut prendre en compte leur souffrance, mais je dirais de façon très marginale. C'est-à-dire que les gens disent, si nous n'avons pas vraiment besoin de manger les animaux, si en plus manger les animaux, ça fait du mal à l'environnement, à la santé, etc., on y rajoute la question du bien-être des animaux comme argument supplémentaire pour dire on devrait se passer de viande. Ou de façon générale, oui, il faut prendre en compte le bien-être des animaux dans les élevages, à condition que ça n'aille quand même pas trop à l'encontre des intérêts des éleveurs, des intérêts des gens qui mangent la viande, etc. Je trouve très bien que les gens commence à avoir ce minimum de prise en compte, de conscience, de la nécessité de prendre en compte les intérêts des animaux. Mais je pense qu'il est important aussi d'injecter dans ce débat ce que, en tant que militant antispéciste, moi-même avec d'autres personnes, disons depuis des années, qui est l'égalité animale, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas simplement à prendre en compte à la marge, mais devraient être pris en compte, les animaux non humains devraient être pris en compte à égalité avec les humains, ou plus exactement dans la prise en compte des intérêts des uns et des autres. On ne devrait pas faire de différence, que on doit pouvoir oser dire, par exemple, oui, il ne faut pas faire des expérimentations animales, y compris si le prix à payer pour renoncer aux expérimentations animales implique qu'il y a des humains qui seront malades, qu'il y a des humains qui en mourront, il faut abolir l'expérimentation animale, il faut abolir la viande, y compris s'il s'avérait que la viande était bonne pour la santé, y compris s'il s'avérait qu'il nous était très coûteux d'abolir la viande, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut clairement abolir la viande quand ça ne coûte pas grand-chose, quand ça ne coûterait pas grand-chose, c'est-à-dire pour abolir le foie gras, abolir la viande pour les consommateurs français. Mais je pense aussi que on devrait abolir la viande et la pêche artisanale, y compris au Sénégal, où ça correspond réellement à une source de revenus importante pour des personnes pauvres, pour des personnes qui en dépendent, parce que je pense que la souffrance des poissons, si on prend en compte la souffrance des poissons pêchés, cette souffrance est énormément plus grande que la souffrance des humains concernés, même si la souffrance des humains concernés, au moins, a elle aussi une grande importance. Donc, je pense que nous devons oser dire que les animaux ne doivent pas être pris en compte seulement à la marge, qu'ils doivent être pris en compte de façon égale. Et je pense que cette notion d'égalité animale, elle ressort de façon très très nette et très très facile et très de façon très irréfutable. Si on examine simplement la base, la notion de spécisme et ce que c'est que le spécisme tel que je l'ai appelé nu ou absolu ou réduit au minimum, son noyau dur. Donc, qu'est-ce que c'est que le spécisme ? Donc, quand on parle de spécisme, on parle d'une discrimination. Discrimination, ça veut dire simplement à la base, comme terme, ça veut dire faire une différence entre les individus. Discrimination, c'est un mot qui peut s'appliquer à n'importe quoi, en fait, au petit point, puis petit point, petit et gros, tout ce qu'on voudra. Mais quand on parle de discrimination au niveau politique, en général, ça veut dire faire une différence de traitement entre des individus qui voudraient peut-être être traités de façon égale, mais dont on dit, ils décident qu'on les traitera différemment. Bon, ça peut se passer de façon sur beaucoup de plans différents. Par exemple, on fait une discrimination quand on dit telle place de parking sera réservée aux handicapés. On fait une discrimination si on dit, par contre, les handicapés physiques en chaise roulante, on ne va pas les embaucher chez les pompiers. Enfin, chez les pompiers, ceux qui doivent faire des interventions directement au contact du feu, quoi. On fait une discrimination aussi, par exemple, au sud des États-Unis, jusque dans les années 50, quand on disait les Noirs ils doivent monter à l'arrière des bus et s'il y a de la place, et les Blancs ils ont une place réservée à l'avant des bus. Donc il y a plein de sortes de discriminations différentes, et certaines peuvent être éventuellement justifiées, d'autres ne peuvent être justifiées. Donc la question, elle est de savoir quelles sont les discriminations justifiées et discrimination injustifiée. Il suffit pas de dire il y a une discrimination pour que automatiquement elle soit injustifiée. Je pense que la discrimination, disons, contre les paraplégiques à l'embauche chez les pompiers, c'est une discrimination justifiée. Celle pour les places de parking aussi. Par contre, clairement, celle sur les places dans les bus pour les noirs et les blancs, je pense qu'elle n'était pas justifiée. Alors, la discrimination contre les animaux non humains dans nos sociétés, elle existe clairement. La question, c'est que beaucoup de personnes l'estiment tout à fait justifiée, et d'autres personnes, qui sont encore aujourd'hui très minoritaires, estiment qu'elle est injustifiée. J'ai cherché un petit peu des citations de gens qui estiment que cette discrimination est justifiée. Bon, il y en a plein, hein, sous une forme ou une autre. Donc, sur Internet, en quelques minutes, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait, il me semble, de la pêche, de cas de pêche où on utilisait des chiens comme appât pour attraper des requins, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Et puis quelqu'un qui disait, sur le forum, mais un chien a souvent plus d'importance qu'un humain. Certains humains aimeraient bien être traités comme beaucoup de chiens français, donc ils s'indignent du fait qu'on se préoccupe à tel point du sort des chiens. Il y a un sens des priorités et des valeurs qui m'échappent. Donc quelqu'un qui estime quand même que les humains doivent être prioritaires et que les chiens, on doit s'en occuper après. Une autre citation, j'ai un peu l'impression que dès qu'on ose dire la souffrance des animaux, ok, mais les valeurs des humains sont prioritaires, on passe pour un salaud nazi qui file des coups de pied aux chiens. Bon, donc là aussi, qui affirme que les humains doivent être prioritaires. Et c'est quelque chose qui est, quand c'est affirmé dans nos sociétés, c'est pratiquement un lieu commun, c'est-à-dire que les gens considèrent que c'est presque évident que les humains doivent être prioritaires, que cette discrimination, personne ne niera qu'il y a une discrimination, mais que cette discrimination, donc, qu'elle est justifiée. Alors, bon, il y a différentes façons de définir une discrimination aussi. On l'a vu dans des exemples récents, par rapport au racisme et par rapport au sexisme, par exemple. Par rapport au racisme, c'est souvent assez net, ou disons par rapport aux questions d'ethnocentrisme. Par exemple, quelqu'un a dit récemment, c'est notre ministre de l'Intérieur, je crois, qui a dit récemment, il est clair qu'il y a des cultures qui sont supérieures à d'autres cultures. Quand il a dit ça, il est clairement dire que sa culture est supérieure à la culture des Arabes, grosso modo. Il n'a pas dit dans ces termes, mais c'était pratiquement clairement ça. Donc, et beaucoup de gens ont dit c'est du racisme. Bon, là c'était une phrase. D'abord, c'est pas clairement une discrimination, dans le sens qu'il parlait simplement en termes d'infériorité, de supériorité. Et puis c'est quelque chose de collectif. C'est pas par rapport à race, c'est par rapport à des cultures, etc. Donc, dire que c'est du racisme, c'est une question qui va pas tout à fait de soi. Enfin, moi j'apprécie très peu Claude Guéant et ce qu'il a dit à ce moment-là, mais je trouve pas immédiat d'analyser en quoi c'est du racisme. Il y a François Hollande récemment qui a proposé de supprimer le mot « race » de la Constitution française, puisque dans le préambule de la Constitution, ça dit, ou premier article, quelque chose comme ça, ça dit que les Français sont égaux, indépendamment de leur religion, etc., et de leur race. Donc, Hollande a proposé de supprimer ça, parce qu'il considère que la mention même du mot « race » serait raciste. Bon, là aussi, c'est pas clair de savoir en quoi c'est raciste ou pas. Donc, c'est pas toujours clair de décider de ce qui est raciste ou pas. Par contre, je pense que il y a une chose qui est très claire, dont on peut dire que c'est le noyau dur du racisme, c'est quelqu'un qui dirait les intérêts d'un noir importent moins, doivent être moins pris en compte que les intérêts d'un blanc. Les gens disent ça rarement exactement comme ça, mais ils diront, par exemple, « Ah, là, il y a un noir qui souffre, c'est pas important, c'est qu'un noir. » Ou ils diront, « De fait, on dépensera moins d'argent pour les écoles des... aux États-Unis, c'était classique, enfin, je veux dire, après la guerre de sécession, les Noirs... L'éducation des Noirs était complètement de qualité zéro, l'argent allait aux écoles pour les Blancs, les universités pour les Blancs, etc. etc. Donc c'est le fait de moins donner de droits, moins prendre en compte l'intérêt des individus, moins donner de... considérer que les individus ont moins de valeur, qu'ils doivent être... qui doivent grosso modo être traités différemment, et suivant suivant les cas et suivant la philosophie des personnes en cause, suivant les circonstances, ça se traduira par différentes formulations, mais ce sera de façon générale le fait de dire que certains individus, parce qu'ils appartiennent à une certaine catégorie, doivent être traités différemment, doivent avoir moins de droits, doivent être moins pris en compte, doivent avoir moins d'avantages, etc., que d'autres individus. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question du traitement différent des individus. J'ai dit que parfois, les questions de racisme et autres, on en parle au niveau collectif, on parle de la valeur d'une culture, on parle de la valeur des peuples, on parle de choses comme ça. On parle aussi de savoir si tel peuple est plus intelligent ou moins intelligent que tel autre peuple, donc des questions collectives. Je pense que le noyau dur de cet ensemble de choses, c'est quand même de savoir si, au niveau individuel, on doit accorder plus d'importance ou pas, ou moins d'importance aux intérêts, ou aux droits, ou au traitement des uns par rapport au traitement des autres. Alors, quand on parle de traitement des individus, on parle de ce que j'appelle, et ce que la philosophie, disons, analytique anglo-saxonne, et maintenant française un petit peu, appelle le patient moral, ce qu'on appelle le patient moral, qui a un certain statut moral, c'est l'individu et la question de savoir comment il doit être traité. Patient moral, ça s'oppose à agent moral. Agent moral, c'est par exemple quelqu'un qui peut agir de façon morale, qui agira ou non de façon morale, éthique, disons, quelqu'un qui peut prendre des décisions en fonction de critères moraux, qui peut réfléchir à un niveau moral, qui peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. On dit en général, les humains, de façon générale, sont des agents moraux, ce sont aussi des patients moraux parce qu'il importe la manière dont on les traite. Par contre, ce qui n'est pas un patient moral, c'est par exemple un caillou. C'est pas un patient moral parce que ça n'a pas d'importance comment on traite le caillou. Une carotte, c'est pas un patient moral parce que la carotte, bon, elle n'éprouve rien, elle n'a pas de sensibilité. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. On a de bons arguments pour dire que les carottes ne ressentent rien, donc les carottes elles-mêmes ne sont pas des patients moraux. D'autres personnes disent quand même si les carottes ne ressentent rien, ça importe la manière de les traiter. Donc il y a des débats sur ce qui est patient moral ou pas. Il y a des personnes qui disent la nature elle-même est un patient moral, c'est-à-dire qu'il importe de savoir comment on traite la nature. D'autres personnes encore qui veulent débattre de savoir si, par exemple, une œuvre d'art, la Joconde, est-ce que si on brûle la Joconde, mettons que l'humanité est disparue et que plus personne n'apprécie de voir la Joconde, est-ce que le fait de brûler la Joconde ou de la détruire par n'importe quel moyen est un mal en soi ou pas? Moi, ça me paraît clairement pas un mal, puisque si personne ne jouit de l'existence de la Joconde elle-même s'en fiche aussi, mais il y a d'autres personnes qui pensent que les œuvres d'art, par exemple, peuvent être des patients moraux. Donc la question par rapport à la discrimination par rapport aux animaux, c'est la question du statut moral des animaux, non humains, la question de savoir si les animaux sont des patients moraux, comme les humains, et savoir s'ils le sont au même titre que les êtres humains. La réponse habituelle de notre philosophie, c'est que les animaux non humains ne sont pas des patients moraux, que la manière dont on les traite n'a pas d'importance, ou qu'elle a une importance, mais qu'elle a une importance seulement indirecte, ce qu'on appelle l'argument des droits indirects. Par exemple, Kant disait que c'est important de ne pas faire du mal aux chiens, parce que si on fait du mal aux chiens, on s'habitue à faire du mal, et après on va être méchant, on va avoir un caractère méchant, y compris envers les humains. Ou d'autres personnes, comme Luc Ferry, qui argumentent que si on torture un animal, on est en train de... grosso modo, que ça va pas très bien avec la dignité humaine de faire une chose pareille, donc c'est contraire à la dignité humaine de maltraiter un chien, mais que maltraiter un chien, en soi, n'a pas d'importance... du tout. Il faut voir que cette philosophie, donc qui est la philosophie qui fonde notre droit, considère que les animaux sont des biens meubles, disons que c'est quelque chose en évolution. On ne peut pas forcément dire qu'aujourd'hui ce soit encore vrai dans notre droit, mais de façon quand même massive, notre droit dit que les animaux sont des biens meubles, donc sont des propriétés, que une vache, c'est comme un caillou, grosso modo, c'est ça le même statut, ça n'a pas le statut de personne, donc c'est un statut de bien meuble, et ça n'a pas de statut moral, ce n'est pas un patient moral en soi. Donc ce point de vue, j'ai voulu noter en passant quand même que c'est un point de vue d'une brutalité infinie, c'est-à-dire que pour Luc Ferry et d'autres philosophes comme ça, qui justifient ce point de vue, Et toutes les personnes qui diront oui, nous devons respecter les animaux, mais uniquement par devoir nous-mêmes envers l'humanité, pour ça, ces personnes qui sont en train de dire que la souffrance d'un animal, aussi intense, aussi atroce soit-elle, compte pour zéro en elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune importance du tout. C'est-à-dire, sont en train de dire que faire subir les souffrances les plus atroces à un nombre de milliards d'animaux n'a aucune importance, sauf si ça porte atteinte à la dignité humaine et que, à la limite, ça ne justifierait pas le moindre centime de dépenser de la part des humains pour l'éviter, de lever le moindre petit doigt. En soi, ça a zéro importance. Donc ce spécisme qui dit que les animaux ne comptent pas, que les individus animaux ne comptent pas, c'est quelque chose qui, dans sa formulation la plus basique de notre philosophie, qui est vraiment d'une brutalité infinie. Alors, ce spécisme, j'y viens sur la définition de ce spécisme, parce que j'ai beaucoup parlé du contexte, mais... La définition elle-même de ce que j'appelle le spécisme tout nu, c'est l'idée que le statut moral d'un individu doit dépendre simplement du fait de savoir si cet individu est un être humain ou pas, de son appartenance à l'espèce humaine, indépendamment de toute autre caractéristique. Alors pourquoi indépendamment de toute autre caractéristique ? Il y a un peu une histoire à ça, c'est que, de façon classique, d'une part, il y avait l'idée que les êtres humains étaient de manière divine, totalement séparés du reste de la création, c'est le récit de la Genèse auquel on croyait jusqu'à la fin du XIXe siècle, de façon pratiquement unanime, donc que les êtres humains étaient nature totalement différente des autres. Et donc, excuse-moi, j'ai un peu un trou. Oui, donc, oui, par rapport à la question des caractéristiques. Donc, d'une part, un être humain, c'était un être humain, c'était quelque chose d'absolument différent des autres animaux. Indépendamment des caractéristiques particulières qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'on n'allait pas dire forcément les êtres humains sont supérieurs aux autres animaux parce qu'ils ont deux jambes et pas quatre, ou quelque chose comme ça, non, on se basait simplement sur l'appartenance à l'espèce humaine qui paraissait être une notion claire, mais aussi ça voulait se justifier à travers des caractéristiques particulières du style la rationalité, qui était un peu la grande star des caractéristiques attribuées aux êtres humains. Les êtres humains sont des animaux pensants, les êtres humains sont des animaux rationnels, sont des animaux aussi qui, à travers leur rationalité, sont capables de reconnaître l'existence de Dieu, etc. Et donc, qui participaient particulièrement aux croyances chrétiennes. Mais à la base, il y avait donc une caractéristique psychologique des êtres humains qui était censée être la rationalité, l'intelligence, des choses comme ça. Peter Singer, en 1975, dans La Libération animale, il a dit, mais donc, c'est pas tout à fait vrai cette histoire de rationalité, parce qu'il y a des êtres humains qui, par exemple, les nouveau-nés, par exemple, les êtres humains handicapés profonds, qui sont pas particulièrement rationnels, et qui, en comparaison avec des animaux non humains, sont nettement moins rationnels, sont nettement moins intelligents, sont nettement moins capables, par exemple, de relations sociales avec des êtres humains qui ne dépassent jamais le stade de passer les paupières un petit peu, de faire quelques sourires, des choses comme ça, qui ont des atteintes profondes au cerveau et qui ne qui sont largement moins éveillés, largement moins rationnels, largement moins sociables, disons, qu'un chimpanzé moyen adulte. Et donc, que si on veut dire accorder des droits ou prendre en compte l'intérêt des êtres humains sur la base du fait de la rationalité, ou de la sociabilité, ou de la capacité d'être un agent moral, qui est aussi une grande star parmi les caractéristiques qui sont censées justifier la discrimination en faveur des humains, c'est-à-dire que les humains peuvent reconnaître les droits des autres et donc peuvent avoir des relations sociales où ils reconnaissent l'existence de l'éthique et ils reconnaissent l'importance d'agir de manière éthique en reconnaissant les droits des autres. Donc et que les animaux ne peuvent pas, les animaux non humains. En fait, il y a des humains qui sont parfaitement incapables de voir ce genre de relations sociales. Alors qu'il y a des animaux, en particulier les chimpanzés, mais pas seulement les chimpanzés aussi, les chimpanzés, je veux dire, on pense aux chiens, et au fait que les chiens peuvent parfaitement avoir des relations aussi avec les humains fondées aussi sur un certain nombre de règles et de droits, de conditions, de propriété. Beaucoup d'animaux peuvent avoir des capacités supérieures à un certain nombre d'êtres humains. Or, le spécisme, de manière générale, considère par exemple que faire des expérimentations animales sur des chimpanzés et tuer un lapin, bon, il faut peut-être pas le faire trop, il faut peut-être essayer de faire que l'animal ne souffre pas trop, mais que dans son principe, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et Peter Singer, quand il a dit, dites-donc, si vous voulez faire ça sur des chimpanzés, et que vous le faites sur la base du fait que les humains sont rationnels et que les chimpanzés ne sont pas, vous devriez à ce moment-là accepter de le faire sur des humains handicapés profonds qui sont moins rationnels que les chimpanzés. Ah bon, c'est une phrase qui soulève souvent, qui est vue comme scandaleuse. Pourtant, si on veut faire une discrimination sur la base des caractéristiques, il est logique de faire la discrimination sur la base des caractéristiques. Donc, ceux qui sont rationnels, on les respecte, on respecte leur vie, par exemple. Ceux qui sont pas rationnels, on respecte pas leur vie. Moi, je suis pas en train de dire que la rationalité, c'est le critère juste. Mais, simplement, au niveau logique, si c'est à travers la rationalité qu'on justifie cette différence de traitement, on doit être conséquent avec ça. Or, les gens qui veulent justifier la discrimination contre les individus non humains sur la base de la rationalité, pratiquement jamais, ils acceptent de suivre cette logique et de dire, bon, ben, d'accord, on va faire des expériences sur les handicapés, les humains handicapés, plutôt que sur les chimpanzés. Au contraire, ils considèrent que l'idée même est scandaleuse. J'en discutais pas plus tard que mercredi dernier avec quelqu'un qui avait passé sa vie à être inspecteur des laboratoires par rapport aux expérimentations animales, vérifier que tout se passe dans les règles, que les animaux soient anesthésiés quand il faut, etc. Et lui, il me disait que pour lui, c'était scandaleux l'idée de faire une expérimentation sur des humains handicapés mentaux, alors que les chimpanzés, oui, c'est triste, mais bon, voilà, c'est normal, quoi. L'idée de Singer, ça a été d'affirmer, ça n'a jamais été contredit, qu'il n'y a aucune caractéristique factuelle qui soit partagée par l'ensemble des êtres humains et qui ne soit et par aucun animal non humain. C'est-à-dire, si on prend une caractéristique du style rationalité, il y a des humains qui n'ont pas la rationalité, alors qu'il y a des animaux qui paraissent l'avoir. Si on abaisse le seuil, on dit simplement, il suffit que l'individu en question, par exemple, soit capable de ressentir la douleur, c'est vrai que pratiquement tous les humains, peut-être pas tous, mais disons, ça inclut y compris les handicapés mentaux profonds qui peuvent ressentir la douleur et peuvent souffrir, mais si on donne le statut patient moral ou d'handicapé mental profond sur cette base, on doit aussi donner ce statut à pratiquement tous les humains, tous les animaux. C'est-à-dire, en tout cas, à tous les animaux, les poules, les vaches, les cochons, les poissons, et ainsi de suite, devraient avoir ce même statut. Si on place la barre plus haut encore, par exemple, on dit on doit donner un statut considéré comme patients moraux que les humains qui sont capables de voir les justifications de l'éthique au sens, par exemple, de Kant, de faire ce genre de raisonnement-là, eh ben, je pense qu'il y a peut-être 2% des êtres humains qui seraient inclus et donc que ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire que si on veut parler des caractéristiques, il n'y a aucune caractéristique qui permette de justifier, de faire une discrimination entre les humains et les non-humains. Et donc, la seule manière de, disons, de justifier, entre guillemets, on verra que ça ne justifie pas grand-chose, le spécisme, c'est de dire, eh ben, le spécisme, en fait, on va dire simplement que c'est un principe au sens de principe premier, quoi. C'est-à-dire, on va dire que l'éthique, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. On va dire que c'est l'humanité qui est vraiment la base de l'éthique, indépendamment de toute autre caractéristique particulière de l'individu, et c'est donc ce qu'on a appelé le spécisme sui generis. Alors il y a deux citations dont j'en ai mis qu'une. Une citation donc de David de Grazia qui dit donc une seconde argumentation en faveur du spécisme correspond à ce que j'appellerais le point de vue sui generis. Selon cette argumentation, les justifications données à la pertinence morale d'une caractéristique concernant un être doivent bien s'arrêter quelque part. La logique seule ne peut pas dire ce qui compte comme pertinent, donc comme principe fondateur, pour prendre quelque chose de manière arbitraire. Pour le partisan d'une inégalité basée sur la caractéristique sui generis, c'est-à-dire la caractéristique prise en elle-même, le fait d'être humain, tout simplement, en tant que tel, est une caractéristique moralement pertinente, fondant un traitement préférentiel. C'est-à-dire, ils disent, bon, ben, moi, je vais pas plus loin que ça, je dis, c'est simplement le fait d'être un être humain. On ne cherche pas d'autres argumentations. On dit, ceux qui sont des êtres humains, on ne les mangera pas, par exemple, on ne les tuera pas pour les manger, on n'expérimentera pas dessus, on leur accordera des droits. Ceux qui ne sont pas, qui ne possèdent pas cette caractéristique, on ne leur accordera pas de droits, et ainsi de suite. Alors, je pense que c'est important de voir que ici, ce qui est en jeu, c'est pas de savoir quel droit on donnera, c'est pas de savoir comment on formulera le traitement, c'est pas même de savoir quelles caractéristiques sont pertinentes. Je veux dire que la réfutation de cette argumentation sur la base du spécisme sui generis ne réfute pas, par exemple, l'idée qu'il faille privilégier des individus plus intelligents. Moi, je ne pense pas qu'il faille privilégier des individus plus intelligents. Mais ce n'est pas sur la base de la question dont je suis en train de parler maintenant. C'est-à-dire que la question dont je suis en train de parler maintenant, c'est est-ce que le simple fait d'être un être humain peut servir de manière plausible comme critère discriminant entre les personnes, entre les individus à qui on accordera un traitement préférentiel et les autres. Est-ce que le simple fait de dire les handicapés mentaux profonds sont des humains alors que les chimpanzés ne sont pas des humains, est-ce qu'en tant que tel, ça suffit comme argument pour dire qu'il serait scandaleux d'expérimenter sur les handicapés mentaux profonds et pas sur, alors que c'est normal de le faire sur les chimpanzés? Donc, comme je disais, c'est une question minimaliste, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'éthique, et de l'éthique y compris par rapport aux animaux, et de l'éthique par rapport aux discriminations, c'est un point très précis. Mais je pense que c'est très important, parce que je pense que le spécisme de façon générale, est basée sur cette question de, sur cette idée simple que l'appartenance à l'espèce humaine en soi est une caractéristique suffisante pour justifier la discrimination. Alors, pour examiner cette idée de spécisme sui generis, je pense qu'il faut commencer par faire un peu un vide mental dans notre tête de ce que c'est qu'un être humain. Parce que, à partir du moment où on dit c'est le simple fait d'être un être humain et pas d'autres caractéristiques, en fait, il faut essayer de se représenter le fait d'être un être humain tout seul, en dépouillant de toutes les caractéristiques qu'on met dessus habituellement. Si je pense à un être humain, spontanément, je pense à quelqu'un qui est grosso modo debout sur les deux pieds. Je pense pas, par exemple, à quelqu'un qui est amputé des bras et des jambes. C'est pas ça qui... J'ai l'image d'être humain paradigmatique. Il se trouve que moi, si je pense à un être humain, il pense à un être humain, bon, ben, spontanément, je vais penser à un blanc, d'ailleurs, à un homme. Vraiment, c'est ça... Je mets beaucoup de choses dedans qui, en principe, je pense à un adulte aussi, qui devrait pas, qui font pas partie de la définition. Si je veux vraiment raisonner à un niveau logique, il faut que je parte de la définition, et donc j'enlève toutes les caractéristiques que je projette de manière plus ou moins inconsciente et automatique sur l'idée de l'être humain. Ah, j'ai dit juger de la validité du spécisme sui generis, pour faire abstraction de tout ce qu'on plaque sur l'idée d'être humain, et faut remplacer par exemple l'idée le mot être humain par un mot parfaitement arbitraire qui n'a pas de contenu en termes de caractéristiques autres que le fait de faire partie de la catégorie ou pas. J'ai dit c'est ce que j'appelle le test des ordures. Quelqu'un vous dit être humain ou pas, c'est ça qui doit définir si on est un patient moral ou pas, si on doit avoir des droits ou pas. Remplacer le mot humain par zorgu. Si on est un zorgu ou pas, si on est un zorgu, ou si on a du zorgu, si on est caractérisé par le zorgu pité, par exemple, le zorgu pité, on est digne d'avoir d'être traité bien. Si on n'a pas la zorgupéité, on n'est pas digne d'être traité bien. On peut être tué, on peut être mangé, etc. Donc, un mot qu'on a privé de toute autre référence. Bon, la première réaction, c'est que on voit franchement pas pourquoi. Je veux dire, si l'humanité, le concept d'humanité, on enlève tout ce qu'on plaquait dessus, toutes les caractéristiques, la rationalité, et tout le reste, on voit pas pourquoi. Les humains, on est très très autrement que les non-humains. Pourquoi ça ferait une différence? Pourquoi le fait de posséder ou pas du zorgup ferait une différence? Et puis on va dire, mais bon, je peux même pas en parler, puisque je sais même pas ce que c'est que le zorgup. Et effectivement, dire on va faire une différence en fonction de la possession du zorgup ou pas, on va se dire, mais comment est-ce que je vais faire cette différence? Parce qu'il faut quand même que je repère les individus qui en ont du zorgup et ceux qui en ont pas. Par rapport à l'humanité, est-ce qu'on sait ce qui sont les êtres humains ou pas? Alors, si on se réfère à notre idée première d'un être humain, blanc, mâle, adulte, et avec deux pattes et deux jambes comme il faut, capable de parler et tout le reste, bon, ben effectivement, on sait que ça c'est un être humain, et que si, à la place de celui-là, on rencontre un chameau, en général, on sait reconnaître lequel est l'humain et lequel est le chameau. Ça, c'est vrai. Par contre, dans les débats politiques qui existent déjà, aujourd'hui, il y a des débats pour savoir si tel ou tel être est un être humain ou pas. Si vous allez sur les sites contre l'avortement, par exemple, vous allez trouver une phrase sur deux, pratiquement, et une phrase pour insister à quel point le fœtus est un être humain. D'autres vont considérer que non, le fœtus n'est pas un être humain. Et bon, ceux qui sont contre l'avortement vont dire que le fœtus est un être humain depuis la conception. Donc, il y a un débat pour savoir si un être donné est un être humain ou pas. À l'autre bout, il y a la question de la mort légale. On a inventé ce concept de mort légale à un certain moment parce que il fallait bien pouvoir faire des prélèvements d'organes. Et quelqu'un qui est mort réellement, c'est-à-dire dont le corps, le cœur ne va plus et dont les cellules ont commencé à toutes dépérir. Alors, on ne peut pas prélever son organe. En fait, cet organe commence à être franchement abîmé. Donc, par contre, les personnes qui ont eu un traumatisme au cerveau, dont on sait qu'ils ne se réveilleront jamais et qu'ils n'éprouvent rien, et ainsi de suite, ou en tout cas, c'est ce que suppose la loi, on les déclare en état de mort légale. En état de mort légale, ça veut dire que bon, c'était un être humain, mais ça n'est plus un être humain, c'est un ex-être humain. Alors que, à un niveau biologique, c'est un être humain. Enfin, je veux dire, c'est un être vivant. C'est pas un être mort, c'est un être qui pourrait même se reproduire. Donc, je veux dire, bon, une femme en état de mort cérébrale, rien n'empêcherait techniquement, dans beaucoup de cas, si elle n'est pas trop abîmée par ailleurs, qu'on fasse une insémination artificielle et qu'on la reproduise. Je dis ça pas parce que je trouve que ça serait souhaitable, je dis seulement que c'est, c'est-à-dire que ça montre à quel point il est absurde de dire que c'est un être mort, c'est pas un être mort. Mais on a inventé cette fiction qui est que c'est une mort légale de manière à ce que quand on va tuer cet être, on a l'impression qu'on n'est pas en train de tuer un être humain puisqu'il était déjà, déjà mort. De même, le fœtus est un être humain, ceux qui sont pour le droit à l'avortement disent non, c'est pas un être humain pour nier le fait d'être en train de tuer un être humain. Alors que quelqu'un pourrait dire biologiquement, et je pense que c'est tout à fait vrai, c'est un être humain. On peut même aller plus loin, il y avait un petit gag des Monty Python qui se moquait des catholiques qui dirait que chaque spermatozoïde est sacré, que chaque spermatozoïde est une vie au même titre que... bon, c'est comme gag des Monty Python, c'est assez drôle. Je pense qu'il y a peu de catholiques qui vont jusque-là. Mais si on prend la définition biologique d'un être humain, les catholiques ont raison. Enfin, je veux dire, non seulement ils ont raison, mais effectivement, et jusqu'aux spermatozoïdes, parce que biologiquement, les spermatozoïdes sont des organismes, ils sont pas autonomes au niveau du fait qu'ils ne peuvent pas subsister en dehors du corps très, très longtemps. Enfin, ils sont autonomes enfin, dans le sens qu'ils ont leur propre matériel génétique, ils ont leur propre comportement d'organisme, ils ont voilà, les caractéristiques d'un organisme. Au niveau biologique, la plupart, enfin, une grande partie du monde vivant, il y a ce qu'on appelle l'alternance entre la prophase et la diplophase. C'est une question un peu technique, mais par exemple, je ne sais pas si on apprend encore à l'école, mais quand j'étais petit, on nous montrait les fougères, puis on nous disait les fougères elles produisent des spores, les spores deviennent des petites lamelles qui sont à ras de terre. Ces petites lamelles ont la fougère à la deuxième chromosome, elle a deux séries entières de chromosomes. Les spores ont une seule série de chromosomes, et on appelle ça l'haplophase. Ça produit un petit individu, un organisme indépendant qui est par terre. Cet organisme indépendant va faire une réunion de gamètes mâles et de gamètes femelles, va redonner un organisme de la diplophase, donc diploïde, qui a deux N chromosomes. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se passe dans l'ensemble pas dans la totalité du monde vivant, mais en tout cas chez toutes les plantes et tous les animaux, ça se passe comme ça. Il y a une alternance entre une phase avec deux N chromosomes et une phase à N chromosomes. Chez les mousses, par exemple, la phase à N chromosomes, c'est la phase prépondérante. Il se trouve que chez la plupart des organismes, c'est la phase à deux N chromosomes qui est prépondérante, mais que d'un point de vue biologique, il y a une symétrie. C'est-à-dire que la lamelle de fougère par terre, c'est un organisme indépendant. On peut dire que c'est un individu de l'espèce fougère, enfin, cette espèce fougère-là, au même titre que la fougère qu'on est habitué à voir. De même, au niveau biologique, le spermatozoïde et l'ovule femelle appartiennent pour des individus de l'espèce humaine autant que vous et moi. Donc, si vraiment on voulait prendre la notion d'être humain en disant c'est une notion d'être humain qui est bien définie par la biologie, eh ben non. La notion d'être humain, elle n'est pas bien définie par la biologie. Parce que personne ne va l'étendre jusque-là, personne ne va dire que dégommer de sang-froid 3 spermatozoïdes, c'est un crime affreux. Je veux dire, c'est clair qu'on n'étend pas la notion d'être humain jusque-là. Et que les débats font rage, pour savoir jusqu'à où on va étendre la notion d'être humain. Donc, il se passe plutôt que la notion d'être humain, elle est considérée comme une espèce de notion indéfinie, censée être porteuse de droits, censée être porteuse de dignité, censée être porteuse de plein de trucs, et que cette notion, elle flotte comme ça dans l'air, et puis après que les débats vont être de savoir à qui on l'applique. Donc, ça signifie que les personnes elles-mêmes qui voudraient définir l'idée de spécisme sui generis ne voient pas l'humanité comme une caractéristique réelle, quoi. Ils voient l'humanité comme une caractéristique au départ métaphysique, comme une caractéristique définie simplement comme étant la caractéristique qui donnera des droits, et que c'est après ça qu'on va essayer de déterminer à quels individus on va appliquer cette caractéristique. C'est une caractéristique qu'on considère comme étant la caractéristique la plus importante au monde, celle qui fera la différence entre les cailloux qui n'ont aucune importance et les êtres humains qui ont une dignité infinie, mais on ne sait même pas la reconnaître. Alors, je pense que c'est quand même important de dire ça. C'est important de dire que quand les philosophes, les personnes qui parlent en termes de philosophiques, souvent parlent de l'espèce en se prévalant de l'idée que l'espèce dont ils parlent, c'est quelque chose qui aurait une validité scientifique, qui aurait une... qu'ils s'appuient sur la science pour dire l'espèce humaine, les animaux, etc., comme étant des concepts bien définis. En réalité, la notion biologique, la notion philosophique d'espèce, la notion d'espèce telle qu'elle est utilisée en philosophie, ne peut pas se prévaloir d'une légitimité scientifique. C'est une notion qui ne coïncide absolument pas avec la notion d'espèce telle qu'elle est définie en biologie. La biologie ne justifie en rien les discours philosophiques qui sont faits, qui sont censés justifier les discriminations basées sur l'espèce. Par ailleurs, du côté même de la biologie, je pense que la notion d'espèce est une notion qui est même très mal définie, y compris en biologie. Et je dirais que les biologistes eux-mêmes, qui aujourd'hui sont très attachés à la notion d'espèce, ils le sont aussi pour des mauvaises raisons, et des raisons qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont elles-mêmes des raisons des raisons philosophiques, l'idée que... Disons que la notion d'espèce est une notion héritée d'une époque où on avait une conception essentialiste de l'espèce. C'est-à-dire que chaque espèce était porteuse d'une essence. Et aujourd'hui, quand les philosophes parlent de l'espèce humaine, ils sont en train d'utiliser cette notion essentialiste d'espèce, l'idée que les humains auraient une sorte d'essence, une sorte de nature, qui serait foncièrement différente, qui serait qualitativement différente de la nature d'un chat, de la nature d'un chien, et ainsi de suite. C'est une notion qui, à une époque, était considérée comme valable par la biologie, mais depuis Darwin, on peut dire que la notion essentialiste d'espèce ne devrait plus être considérée comme valable. À mon avis, elle est encore beaucoup utilisée par les biologistes encore aujourd'hui, Mais je dirais que c'est de façon presque clandestine, c'est-à-dire qu'ils ne se l'avouent pas. Et si on prend vraiment la logique du darwinisme, qui est considérée un petit peu comme la théorie de base de la biologie d'aujourd'hui, les frontières d'espèces pratiquement n'existent pas. Les espèces sont des variétés qui, pour des raisons assez contingentes, se sont isolées les unes des autres, des raisons contingentes, accidentelles et souvent même réversibles, se sont isolées les unes des autres. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'essence d'une espèce. Il n'y a pas quelque chose qui serait l'être humain, l'être chat, ou quelque chose comme ça, qui aurait un sens en biologie. Donc, je pense que si on réfléchit vraiment en formulant le spécisme sous cette forme sui generis, on ne peut que voir à quel point c'est quelque chose qui est absurde, et qui n'est même pas correctement défini, qui n'est même pas défini d'une manière dépendable. Et pourtant, je pense que cette idée de spécisme tout nu, c'est quelque chose qui est la pierre angulaire du spécisme en général. C'est-à-dire que si les gens se disent mais l'appartenance même à l'espèce humaine ne peut pas être une justification du spécisme, d'un traitement différent des êtres. Toutes les autres tentatives de justifier le traitement différent des animaux et des humains tombent. Alors, là j'ai noté quelques tentatives de justification du spécisme, qui essayent d'aller au-delà du spécisme sui generis, c'est-à-dire qui essaye de justifier le spécisme malgré le fait qu'on ne peut pas justifier le spécisme sui generis. Bon, la justification par les caractéristiques habituelles, c'est quelque chose qu'on retrouve encore très souvent, c'est-à-dire que l'argument des cas marginaux, ce que je disais, le fait qu'il y a des handicapés qui sont moins rationnels que certains animaux non humains, ainsi de suite, il y a beaucoup de philosophes qui simplement passent dessus en faisant comme s'il n'existait pas, c'est-à-dire... n'y répondent absolument pas, ils y répondent de manière extrêmement avec une légèreté énorme, hein. C'est-à-dire si là oui bon les nourrissons par exemple, les très jeunes enfants, ils sont peut-être pas rationnels, mais ils le seront. Les vieux qui ont la maladie d'Alzheimer et qui reconnaissent même pas leurs enfants sont ils ont plus rationalisé, mais ils l'ont lu, ou des choses comme ça. Donc des justifications qui sont très très peu, qui tiennent très peu la route. D'autres justifications, il y a une justification qui est assez fréquente, que j'ai notée, c'est le contractualisme, l'idée que, l'éthique se base sur l'idée de contrat, que nous devons faire... Si nous devons respecter, par exemple, la vie de quelqu'un d'autre, c'est parce que nous avons un contrat avec cette personne, que cette personne respectera notre vie à nous. Alors, les animaux ne peuvent pas signer ce contrat, ne peuvent pas accepter ce contrat, donc, comme ils n'en font pas partie, on n'a pas de devoir envers eux. Bon, je pense que le contractualisme, de façon générale, malgré le fait que beaucoup de philosophes s'y réfèrent, je trouve que c'est très très peu plausible comme théorie. La principale raison, c'est parce que si nos devoirs éthiques sont basés sur un contrat, il faudrait m'expliquer déjà pourquoi j'aurais un devoir éthique de respecter le contrat. C'est pas immédiat que parce que j'ai promis quelque chose à quelqu'un, je dois faire ce que j'ai promis. Je vois pas comment une promesse en soi, si on se place d'un point de vue originel qui serait totalement amoral, sans aucune éthique, je vois pas comment on créerait ça à partir simplement du fait de faire une promesse. Les autres arguments contre le contractualisme, qui sont des arguments plus, disons, ad hominem, c'est-à-dire qui qui montre des points de faiblesse que la personne en face, elle ne va pas accepter de... d'accepter, en fait. Elle va mettre la personne en face en défaut, c'est, par exemple, le fait que, bon, si c'est une question de contractualisme, de contrat, les Européens, quand ils ont envahi l'Amérique, ils n'avaient pas signé de contrat avec les Indiens d'Amérique. Donc, il n'y avait aucun mal à tout cet exterminé, si on prend le contractualisme. Et puis, bon, l'argument, évidemment, les cas marginaux, les handicapés mentaux profonds n'ont pas signé de contrat avec nous, donc on n'aurait pas de devoir moraux envers eux, et ainsi de suite. Donc, le contractualisme, pour moi, ça a très peu de possibilités. Un autre truc, c'est l'argument de dire, ah oui, les animaux, ils sont en dehors du droit, parce que l'éthique et le droit, c'est quelque chose, c'est des inventions humaines. Bon, en tant que tel, moi, je trouve que c'est un argument qui confond l'objet d'une discipline et l'origine de la discipline. Bon, j'ai mis dans la feuille que je voulais donner un argument. La physique aussi est d'origine humaine, mais la physique ne s'intéresse pas qu'aux êtres humains. La physique s'intéresse aux étoiles, même si les étoiles en elles-mêmes n'ont jamais inventé la physique. Donc, on voit pas pourquoi l'éthique étant une invention humaine, enfin bon, si on accepte de dire que c'est une invention, donc, point de vue par rapport au fait que ce soit une invention ou pas, mais en tout cas, si c'est une invention humaine, c'est un truc qu'on ne doit considérer comme patient éthique que les êtres humains. Bon, il y a une autre défense qui est souvent dite par rapport à la question des cas marginaux. Souvent, j'ai vu répondre, ah mais on ne doit pas confondre un handicapé, mettre sur le même plan un handicapé mental humain qui est handicapé mental par accident, parce qu'il est victime d'un accident, et donc qui au contraire doit être l'objet d'une attention et de soins particuliers, avec un animal qui n'est pas, de toute façon, qui n'est pas un être rationnel. Cette idée, c'est un peu l'idée que l'être humain handicapé est un être humain, handicapé mental profond, est un être humain, donc est un être rationnel, mais par accident il a été privé de la rationalité, donc il est une espèce, il serait rationnel par essence et irrationnel par accident, en quelque sorte. Je pense que beaucoup de gens ressentent ça comme ça, c'est-à-dire que ressentent que même si l'être humain n'a aucune manifestation de l'humanité, de ce qu'ils appellent l'humanité, c'est-à-dire la rationalité et tout ça, il a une rationalité, mais il en a été privé par cet accident, et que son handicap, c'est une espèce de soustraction. C'est l'être humain moins quelque chose. Alors que le chat, par exemple, on va pas dire que le chat est un animal rationnel moins la rationalité. D'handicapé, on dira, c'est un être rationnel moins la rationalité. Je pense que ça se réfère à l'idée d'essentialisme humain. Dans l'essence d'un être humain, il y aurait l'intelligence, et que l'être humain, même privé d'intelligence, aurait cette essence d'être humain intelligent, mais moins l'intelligence. Cette idée d'essence ou de type, ça renvoie à une notion qui était tout à fait reçue dans la biologie à une époque, au XVIIIe siècle. On considérait que que tous les animaux et l'être humain avaient été créés par Dieu suivant un certain type, et que d'une certaine façon, le cheval d'aujourd'hui, il a un moule intérieur qui est le moule intérieur du cheval, et qui représente, grosso modo, le premier cheval créé par Dieu, et que ce cheval-là, il a quelque chose qui l'amène à essayer de se conformer à la chevalinité, ce type cheval. Le cheval qui, par exemple, naîtrait avec trois pattes, c'est un cheval qui se conforme mal à son type. Et il a un moule intérieur qui serait un moule à quatre pattes, mais par accident, il n'a que trois pattes, mais il lui reste une essence de cheval à quatre pattes, quoi. Bon, on voit pas très bien comment on peut avoir un moule à l'intérieur avec quatre pattes, sans qu'il y en ait une qui dépasse, si on a que trois pattes. Mais bon, c'est comme ça, le terme moule à l'intérieur, c'est quelque chose qui était utilisé, je crois, par Buffon, enfin bon, en tout cas, qui était un concept, reçu dans la biologie. Darwin, au contraire, a dit, mais en fait, il n'y a pas de normes pour l'espèce. Le darwinisme dit, les variations ne sont pas quelque chose d'une nature fondamentalement différente des différences entre espèces. Un cheval qui naît avec trois pattes, ce n'est pas un cheval mal né. Il est peut-être mal né dans le sens qu'il aura du mal à survivre. Dans certains cas, une variation peut être une variation positive ou une variation négative, mais en tout cas, elle n'est jamais quelque chose qui déroge un type qui serait le type intérieur du cheval et par rapport auquel il faudrait juger de cette variation. La variation, elle est ce qu'elle est. Un être humain handicapé qui est handicapé mental pour des raisons génétiques, il est ce qu'il est. Il a le niveau d'intelligence, de rationalité qu'il a. N'est pas une espèce d'être humain intelligent, moins d'intelligence. Il est, comme un chat, un être qui a un certain degré de compréhension du monde, qui est le degré de compréhension du monde qu'il a. Donc, si on enlève toute cette projection qu'on fait sur les individus d'une espèce de type qui serait le moule intérieur en fonction de leur appartenance d'espèce, cet argument selon lequel les handicapés faudrait les traiter bien au nom de ce qu'ils sont, mais sans l'être, tombe aussi. Un dernier argument, c'est celui que j'ai vu utiliser par Dominique Lestel, qui est quelqu'un qui est prêt à dire qu'il n'y a pas de frontière infranchissable entre les humains et les autres animaux. Il a dit, la semaine dernière, dans une conférence à Lyon, « Quand j'entends le mot moral, je sens ma Kalachnikov », c'est-à-dire qu'il dit que tout discours contre les mauvais traitements commis sur les animaux est un discours moraliste, que lui, il est contre la morale, et donc qu'il n'y a pas un lieu d'examiner le statut moral des animaux. Je pense que ça illustre quelque chose de très vrai, qui est que la réfutation de l'antispécisme, enfin la réfutation du spécisme, la réfutation du spécisme sui generis, n'est pas l'alpha et l'oméga du discours éthique qu'on doit avoir. C'en est une pierre angulaire très importante, mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Parce que quelqu'un qui dirait, moi je m'en fiche totalement de comment on traite les êtres, quels qu'ils soient, ou quelqu'un qui dirait, moi je suis les blancs, on doit les traiter bien, y compris les lapins blancs et les noirs, que ce soit les humains noirs ou les lapins noirs, on doit les traiter mal, ils ne seraient pas spécistes, d'une certaine façon. Ils ne seraient pas spécistes, mais ils seraient en faveur d'une autre discrimination qui est tout aussi arbitraire et qui est aussi, à mon sens, à rejeter. La moralisme de Dominique Lestel, je pense que d'une part ça illustre effectivement le fait qu'un salaud parfait est non spéciste, c'est-à-dire quelqu'un qui se fiche entièrement de la manière dont les autres sont traités, qu'ils soient humains ou non, non spéciste. On peut dire peut-être à un certain niveau que Hitler était non spéciste, puisque il ne faisait pas la différence en fonction du fait d'être humain ou non humain, il faisait la différence en fait le fait d'être arien ou non arien. Mais c'est clair que la vision du monde de Hitler, c'est pas celle pour laquelle on lutte quand on se dit finalement antispéciste. Je pense aussi que les personnes qui se réclament d'un tel amoralisme, comme Dominique Lestel, se fondent en fait sur leur statut privilégié d'humain, c'est-à-dire qu'ils se prétendent amoraux, mais ils n'aimeraient pas que, par exemple, qu'on aille leur écraser les deux pieds, par exemple, et ils feraient un procès en se prévalant de tout leur droit que leur accorde leur appartenance à l'espèce humaine, si on osait en faire quelque chose dans ce genre-là. Donc, je pense que c'est une défense qui, en général, ne va pas très très loin. Bon, alors pour conclure, parce que j'ai pris beaucoup de temps, donc que la réfutation du spécisme dans sa formulation du spécisme tout nu, c'est une réfutation qui est très forte, parce que dès qu'on y réfléchit de manière posée et logique, personne ne peut réellement soutenir que les individus qui possèdent le Zorgrup on doit considérer leur vie comme sacrée, on doit considérer qu'ils ont les droits, des lois, etc. Et que les individus qui n'ont pas le Zorgrup, on peut les manger tous les jours, que ça n'a aucune importance de les tuer. Et de la même manière, personne ne peut réellement soutenir ça par rapport au groupe d'humanité. C'est une position minimaliste, et donc qui devrait permettre à l'ensemble des personnes qui cherchent à remettre en question le traitement des animaux, de se réclamer de cette position minimaliste, quelle que soit leur position philosophique par ailleurs, c'est-à-dire des personnes qui sont en faveur de, mettons par exemple, des droits des animaux, une position philosophique particulière, les personnes qui sont, comme moi, en faveur de la prise en compte des intérêts des êtres indépendamment, enfin qui voient la question des droits comme étant une question secondaire, comme étant une question dérivée par rapport à la question de la prise en compte des intérêts des êtres, donc une autre formulation de l'éthique, les personnes qui aident à ce que la question des animaux soit placée dans, par exemple, la lutte contre le capitalisme, les personnes qui pensent qu'on doit y inclure aussi des questions par rapport au traitement de la nature ou à d'autres choses comme ça. Toutes ces personnes-là devraient pouvoir être d'accord sur le fait qu'elles sont antispécistes, mais dans le sens minimaliste du terme, c'est-à-dire considèrent que peut-être que le fait d'être un être vivant, peut-être que c'est le fait d'être un être sensible, peut-être que c'est le fait d'être un être ayant intelligent, peut-être que c'est, comme dit Tom Regan qui défend les droits des animaux, que c'est le fait d'être un être ayant une vie digne d'être, enfin, ayant une importance avec une continuité dans le temps, des caractéristiques supérieures. Peut-être que c'est toutes ces caractéristiques-là qui peuvent faire la différence, mais ce n'est pas le simple fait d'être un être humain qui peut faire la différence entre un être auquel on doit accorder une considération et enfin, qui doit faire une différence en tant que patient moral. Donc c'est une position fédératrice, et en même temps c'est une position insuffisante, ce n'est pas la fin des débats éthiques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent, beaucoup de questions qui restent ouvertes. Par exemple, faut-il prendre en compte les intérêts des animaux victimes de prédation? Faut-il prendre en compte les intérêts des vers de terre et des invertébrés? Est-ce que ce sont des êtres sentients? Est-ce que ce sont des êtres qui ont une qui existent en tant qu'êtres dans le temps et en continuité dans le temps, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent de débats qui restent ouverts, de difficultés dans la construction d'une éthique antispéciste. Je pense que ce n'est pas ce n'est pas une chose facile, et c'est quelque chose qui peut prendre des siècles à résoudre, mais que s'il y a une condition nécessaire à la construction d'une éthique qui tienne la route, c'est qu'elle ne soit pas spéciste, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à faire une différence simplement selon le fait d'appartenir ou pas à l'espèce humaine, et que quand on aura amené les gens, de façon générale, à reconnaître ça, on aura fait un très grand pas en avant vers la réflexion sur quelle doit être notre éthique et quelle doit être l'éthique à prendre en compte. Et comme je le disais au début, en particulier, on commencera à prendre réellement au sérieux les intérêts des animaux, non pas comme étant quelque chose un petit peu comme à prendre à la marge, à prendre comme cerise sur le gâteau, mais comme quelque chose à prendre au même niveau que les intérêts humains, puisque si on ne se permet pas de faire une différence entre peut-être un être humain ou un canard, par exemple, eh bien, le massacre des 30 millions de canards par an qui sont tués pour le foie gras est quelque chose qui est du même ordre que le massacre et la souffrance très grande qu'on imposerait ou même à un nombre semblable d'êtres humains. Et les petits intérêts, petits, et pas parce que je les méprise, mais qui sont relativement petits, les éleveurs, face à ça, on le voit comme étant relativement minuscule face à cette souffrance des canards, et donc personne n'oserait dire, essayer de contrebalancer notre préoccupation pour les canards par la préoccupation pour les éleveurs et leur bien-être. Le bien-être des éleveurs a son importance, mais est quand même immensément moins important que celui des animaux concernés. Et ça, je pense qu'il est très important de le mettre au centre du débat par rapport à la question animale. Alors, sur la feuille, là, je vous ai mis aussi quelques repères qui sont très sommaires, hein, par rapport à ce qui existe. Donc, l'écueil antispéciste, c'est une revue qui a été fondée en 91, qui développe le point de vue antispéciste des personnes qui l'ont écrit, qui n'est pas l'alpha et l'oméga de l'antispécisme. L'antispécisme en France, beaucoup de gens pensent que ça se résume au point de vue développé par l'écueil antispéciste. Moi, si j'ai voulu vous dire une chose ce soir, c'est bien ça, c'est que personne n'est propriétaire de la notion d'antispécisme, que les idées du courant des pays antispécistes, ce sont des idées à laquelle personnellement j'adhère, mais que la notion d'antispécisme doit être quelque chose qui doit être partagé par les gens, y compris quand ces personnes ne sont pas d'accord avec la manière dont ça a été développé dans les pays antispécistes. Un texte de Beau ensuite, les espèces non plus n'existent pas, c'est quelque chose qui revient sur les arguments que j'ai mentionnés par rapport au statut d'espèce en biologie, où j'argumente sur le fait que les espèces aussi, en biologie, sont un concept extrêmement mal défini, et qui n'est considéré comme étant, un concept auquel on donne autant d'importance en biologie, principalement parce qu'on y injecte aussi beaucoup de notions essentialistes qui ne devraient plus y avoir leur place dans la biologie moderne depuis Darwin. Un livre qui a été écrit donc par plusieurs personnes qui reprennent des textes, qui reprennent le texte Les espèces non plus n'existent pas, et d'autres textes sur la question des espèces et sur la question du darwinisme et sur le fait que si on se mettait à prendre Darwin au sérieux, ça changerait beaucoup de choses sur notre vision du monde et de la biologie et que ça aurait des implications par rapport à la question animale. Peter Singer, La libération animale, c'est le livre dont je vous parlais qui a été publié en 75 en anglais, donc en 93 en français. Qui est apparemment épuisé, malheureusement. J'ai amené un exemplaire juste pour comme consultation ici pour les personnes qui veulent jeter un coup d'œil. Et puis j'ai mentionné d'autres auteurs, James Rachel, David DeGrazia, Steve Sapontis, Tom Regan, donc des auteurs anglo-saxons, Paola Cavalieri qui a initié le projet Grand Singe, Florence Burga, Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemer, donc pour dire qu'il y a des auteurs français aussi, qui sont des auteurs académiques, donc qui publient dans des revues académiques. Il y en a d'autres qui sont, disons, du point de vue en face, qui commencent à pointer leur bout du nez, du point de vue en face, c'est-à-dire qui essayent de défendre le spécisme, qui essayent de défendre les soins de vie des animaux, comme le Sim Porcher et d'autres. Donc ça commence à être un débat vif, y compris au niveau académique. voilà, j'étais un petit peu long, mais